L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Katia Van den Stande. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir par ligne téléphonique Myriam Grimm, qui est chargée de mission éducation à l'environnement à l'association Au fil des Séounes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler des animations qui seront proposées durant ce mois de juillet, du moins pour la fin juillet, proposées par l'association donc Au fil des Séounes. Et puis aussi, vous nous parlerez de certains ateliers que vous mettez en place. Tout d'abord, peut-être Myriam Grimm, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association ? Oui, bien sûr. Alors, Au fil des Séounes, c'est une association qui œuvre depuis 2000 ans à l'éducation, à l'environnement et au développement durable en Lot-et-Garonne. Et ses objectifs sont la préservation de l'environnement, la sensibilisation à l'écologie, le développement de l'esprit citoyen et solidaire et l'organisation de toute action qui vise à promouvoir le développement durable, donc que ce soit par le biais de la mobilité, l'alimentation, l'énergie, l'habitat, et, etc. Hein, parce qu'en fait, on développe pas mal de thématiques et on propose des ateliers d'écologie pratique, des conférences, des campagnes d'information aux particuliers qui souhaitent participer à la protection de l'environnement. Et on accompagne également les professionnels qui le souhaitent, par exemple en matière de mobilité durable et de protection de sites Natura 2000. Et on intervient aussi régulièrement en milieu scolaire et périscolaire pour sensibiliser en fait les citoyens aux enjeux actuels voilà, dès leur plus jeune âge. Beaucoup d'animations donc proposées par Au fil des Séounes, beaucoup d'actions et de projets. Et d'ailleurs, tous les mois, vous venez donc nous présenter les différentes animations et les projets que vous mettez en place. On a déjà eu l'occasion de parler, entre autres, aussi de plusieurs guides qui étaient proposés, que vous mettiez en place. Alors là, aujourd'hui, parlez-nous peut-être de ce que vous faites, vous, en tant que chargé de mission. Vous mettez en place des projets d'ateliers d'écologie pratique. Peut-être même avant de parler justement de ces ateliers d'écologie pratique, peut-être présenter un petit peu votre fonction, en quoi consiste la chargée de mission éducation à l'environnement. Oui, alors c'est très fortement lié justement à ces ateliers d'écologie pratique puisque je suis chargée de mettre en place cette programmation. Donc ces ateliers d'écologie pratique sont itinérants sur le département. Donc c'est beaucoup de partenariats en fait d'accueil de ces ateliers et aussi d'intervenants, donc d'autres professionnels, d'autres associations pour les animer, puisqu'on aborde sept grands thèmes à travers ces ateliers d'écologie pratique. Donc je peux peut-être les citer. Donc il y a l'alimentation, les randonnées, l'éco-habitat, donc une thématique qui s'appelle « Tous dehors », « Vivre ensemble », c'est fait maison et la santé, le bien-être. Donc du coup, comme je ne peux pas être spécialiste de toutes ces thématiques, je m'appuie aussi sur les compétences au niveau local. Et du coup, ce sont d'autres intervenants qui peuvent être amenés à animer ces ateliers. Ensuite, moi, je me suis spécialisée sur la thématique santé-environnement. Donc j'anime et je développe les ateliers issus de cette thématique-là. Donc je pourrais en dire un peu plus. Si besoin. Oui, bien sûr. Justement, pourquoi avez-vous choisi avec l'association Au fil des Séounes de mettre en place des ateliers d'écologie pratique ? Alors, ces ateliers, ils ont été développés avant que je travaille à l'association. Ils existent depuis 2010. Je pense que c'était une volonté en fait de proposer des ateliers pratiques et conviviaux, des ateliers concrets en fait, pour apprendre aux personnes à réaliser par soi-même et pour avoir des espaces d'échange sur des gestes simples qui permettraient de prendre soin de soi, des autres, en privilégiant l'écologie, la santé et le bien-être. Voilà, donc, et aussi d'accompagner le grand public au changement de pratiques qui soient plus saines pour leur santé et pour celle de l'environnement. Donc vous avez mis en place ces différents ateliers, donc l'association a mis en place. Vous vous occupez, vous l'avez dit, donc des ateliers santé-environnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est important de faire attention à son environnement pour sa santé. Oui, Ben, en fait, il y a de plus en plus d'études qui ont mis en évidence les risques sanitaires qui sont liés à l'exposition de substances présentes dans nos environnements intérieurs et leur impact sur notre santé. Quand je parle des substances présentes, en fait, c'est tous ces produits d'usage courant qui nous entourent. Donc, que ce soit les produits d'entretien, les cosmétiques, les textiles, les jouets, les meubles, etc. Donc, ils sont suspectés, en fait, de participer à l'apparition de maladies chroniques et de troubles de la santé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir informer le grand public et surtout de pouvoir échanger sur les alternatives donc qui soient accessibles et peu coûteuses et de pouvoir permettre aux personnes de consommer en conscience. Après, on travaille avec l'Agence régionale de santé sur ce thème-là, puisqu'il y a une attention toute particulière à avoir auprès du public des femmes enceintes et des jeunes enfants qui sont finalement particulièrement vulnérables à ces expositions. Alors présentez-nous un petit peu ces ateliers, ça se passe comment ? Alors ces ateliers se passent en différents temps. Il y a un temps qui est plus d'information, où l'idée c'est d'accompagner les personnes à savoir comment se repérer dans la jungle des produits qu'on peut trouver en allant faire ses courses, par exemple, comment faire un bon choix pour sa santé, comment réussir à décrypter ses étiquettes sans avoir besoin d'avoir une formation en chimie. Donc ça reste des choses accessibles. Et puis surtout comment échanger. En fait, l'idée c'est s'appuyer aussi sur les connaissances des participants, parce qu'il y a plein de personnes qui font des choses dans leur quotidien qui sont très accessibles et intéressantes à partager. Donc c'est surtout de mettre en place un temps d'échange de pratiques entre les participants et d'échanger des recettes, des trucs et astuces qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre. Et la chose, par exemple, la plus simple et la moins coûteuse, c'est de jamais oublier d'aérer son logement, parce qu'on oublie trop souvent que notre air intérieur, finalement, est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc déjà, rien que ce geste-là, d'ouvrir la fenêtre deux fois par jour, le matin et le soir, pendant au moins 5 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Oui, des astuces et des petits conseils pour la vie au quotidien et qui sont importants au final. Hein. Voilà. Après, on entre, nous, dans ce grand thème-là par l'entrée produits d'entretien en proposant des ateliers éco-ménage ou en proposant des ateliers autour des cosmétiques. Voilà. Après, là, à la rentrée, on va développer un atelier aussi autour de l'alimentation, donc tout ce qui est en lien avec les contenants alimentaires et les additifs, par exemple. Voilà. Et aussi, de manière plus générale, sur l'environnement sain de l'enfant. Donc, où on peut à la fois aborder les textiles que les jouets, les produits d'entretien, les meubles de la chambre de bébé, etc. En fait, tout peut être passé en revue, quoi. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir du tout un discours anxiogène qui puisse faire peur. En fait, c'est vraiment juste de donner cette information, puisque souvent, on ne sait pas trop, on pense que ce qu'on peut trouver en magasin n'a pas forcément, ne peut pas avoir d'impact sur notre santé, et or c'est pas le cas. Donc c'est d'aider les personnes à s'y retrouver. Je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous accueillons par ligne téléphonique Myriam Grimm, qui est chargée de mission éducation à l'environnement à l'association Au fil des Séoun. Et nous sommes en train de parler avec Myriam Grimm des ateliers santé-environnement que vous organisez. Et vous étiez en train de nous parler un petit peu de ces ateliers, comment ils se déroulent, ce que vous proposez. Alors ces ateliers, ils se déroulent régulièrement, c'est toutes les semaines, comment ça se passe ? Alors, les ateliers d'écologie pratique en général ou ceux-là plus spécifiquement ? Plus spécifiquement, les ateliers santé-environnement, oui. Ça dépend. En fait, c'est que j'en fais dans le cadre de notre programmation et après, je suis amenée aussi à en faire à la demande. En fait, comme ce thème interpelle beaucoup en ce moment, on fait appel à moi en fait pour mettre en place ces ateliers au sein de structures qui peuvent être une médiathèque, qui peuvent être une autre association. Donc, je dirais que j'en fais deux par mois au minimum. Et je pense que ça va augmenter, que que la demande est en augmentation au niveau de ces thématiques-là. Ça veut dire que si des structures souhaitent, là, en écoutant l'émission, mettre en place ce genre d'atelier, ils peuvent vous contacter? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans une structure pour un public particulier. Tout à fait. Depuis combien de temps vous animez ces ateliers santé-environnement? Alors depuis 2013, et ils ont ensuite beaucoup évolué grâce à l'accompagnement de l'Agence régionale de santé. En fait, en 2010, on organisait déjà des ateliers donc éco-ménage et cosmétiques, mais on était plus concentrés sur la dernière partie qui est comment passer à l'action en fabriquant justement un produit. En fabriquant son propre produit en sachant exactement ce qu'on y met dedans. Et maintenant, j'ai développé aussi la partie vraiment d'information, comment réussir à se repérer, comment faire les bons choix pour sa santé. Et puis, petit à petit, en cours d'atelier, on aborde les alternatives, on échange les trucs et astuces et on finit par la fabrication d'un produit que les personnes peuvent tester sur place ou chez elles en emportant un échantillon de la préparation collective. D'ailleurs, où se déroulent ces ateliers? Alors, ces ateliers, donc, comme je le disais au départ, sont itinérants sur le département. Donc ils peuvent se dérouler dans différentes communes du département, soit dans des salles qui sont mises à notre disposition par des communes, soit quand ils sont créés en partenariat, ça peut être avec une bibliothèque, ça peut être avec une autre association, ça peut aussi, ça s'est déjà passé chez l'habitant, on travaille aussi avec les centres sociaux, j'oublie sans doute plein d'autres lieux avec qui on travaille. Mais en tout cas, et puis on est toujours à la recherche d'ailleurs de nouveaux lieux, Très bien. Et ça peut se faire aussi donc à domicile chez un particulier? Oui, parfois ça se fait chez un particulier, surtout pour les ateliers cuisine où on cherche un espace pour cuisiner. Du coup, on s'appuie sur des adhérents de l'association qui sont d'accord d'accueillir un atelier chez eux et de recevoir du coup des participants. Qu'ils ne connaissent pas forcément. Très bien. Donc voilà pour les ateliers santé-environnement qui sont proposés par l'association Au fil des Séounes et que vous animez vous-même, Myriam Grimm. Oui. Donc si des personnes sont intéressées par ces ateliers et souhaitent vous solliciter, on donnera les coordonnées de l'association tout à l'heure en fin d'émission. Alors parlons maintenant des prochaines animations proposées par l'association pour ce mois de juillet. Entre autres, une animation qui aura lieu à cheval sur deux dates, le 21 et 22 juillet. Oui, alors donc c'est une animation qui va se passer à Saint-Pierre de Clérac à la ferme Loup-Cornal, qui est une chèvrerie avec qui on développe beaucoup de projets, notamment des sorties pédagogiques à la ferme avec les écoles. Et donc là, c'est pour un tout autre format. On propose, en fait, on va organiser un bivouac au sein de cette ferme, donc c'est-à-dire une nuit sous tente ou à la belle étoile, comme les gens le souhaiteront. Il y aura une veillée, en fait, comptée. On travaille aussi avec l'association de compteurs Mélie Lémo. Donc il va venir compter dans le cadre de ce bivouac ce soir-là, donc le vendredi 21 juillet. Donc veillée comptée, ensuite nuit à la belle étoile et le lendemain matin, donc visite possible de cette ferme qui est une ferme menée en agriculture biologique, visite de la ferme, de la chèvrerie et puis le petit déjeuner sera préparé par les habitants de la ferme. Et le soir, c'est une auberge espagnole qu'on proposera, donc on invitera les participants à ramener de quoi partager à manger. Ce que je peux ajouter, c'est que le groupe de conteuses Mélie Lémo est en train d'organiser un projet à vélo sur 3 jours. Donc c'est dans le cadre de ce projet-là qu'elles viennent compter à Loup-Cornal, à la ferme. Donc le lendemain matin, elles repartiront en fait en vélo en direction de Sérignac. Donc elles compteront à Sérignac le 22 juillet. Et ce soir-là, il y aura un marché gourmand et elles compteront à 19h. Et puis elles poursuivront à l'Agruère, à la halte nautique de l'Agruère, le dimanche 23 juillet, où elles compteront à l'heure du goûter. Et le foyer rural de la Gruère organisera en suivant une soirée aux étoiles avec le montreur d'étoiles Jean-Marie Richon. Voilà, donc du coup c'est tout un petit périple à vélo et qui s'annonce du 21 au 23 juillet. Et effectivement, des participants peuvent se joindre à cette balade le long du canal, en fait, pour suivre les conteuses voilà, dans leur petit périple à vélo. Pour participer à cette animation, il est conseillé de s'inscrire peut-être ? Oui, alors surtout pour le bivouac, pour la nuit sur place, où il y aura un nombre limité de places. Après, pour venir simplement profiter de la soirée comptée, on n'est pas obligé de s'inscrire. Voilà. Après, pour s'inscrire, eh ben, il suffit de nous appeler à l'association ou d'envoyer un mail à mon adresse. Alors, je ne sais pas après ce qu'on pourra donner à l'antenne. Comme vous voulez, vous pouvez déjà donner, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, vous pouvez donner les coordonnées de l'association Au fil des Séounes, bien sûr. Donc le téléphone, c'est le 05 53 95 12 99. Et après, donc mon mail, peut-être c'est plus compliqué de le donner comme ça à l'oral, mais c'est... Alors sinon, je vais donner celui de l'asso, ce sera peut-être plus simple. Donc c'est info... au singulier, @ au fil des Séounes, donc tout attaché en petit, .fr. Et sinon, on a un site internet où on peut retrouver ces informations, donc qui est au fil des Séounes.jimdo.com, et on a aussi une page Facebook, association au fil des Séounes. Voilà, donc pour avoir toutes les infos concernant l'association, mais aussi donc pour les auditeurs qui souhaiteraient s'inscrire à l'animation du vendredi 21 et samedi 22 juillet. On rappelle qu'il est conseillé de s'inscrire surtout pour le bivouac. Ensuite, pour suivre les mots, là, c'est pas obligé de s'inscrire. Il suffit de vous équiper de votre vélo pour suivre les conteuses. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour, Myriam Grimm, pour cette fois-ci, du moins pour ce mois-ci. Mm-hmm. On aura l'occasion pour le mois d'août de retrouver un de vos collègues, certainement, pour nous parler des animations du mois d'août, puisqu'il y aura des animations fin août. On y reviendra et on reviendra aussi sur la quinzaine de l'écologie que vous êtes en train de préparer pour tout début septembre. Voilà. Myriam Grimm, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je rappelle que vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement à l'association Au fil des Séounes. Je vous souhaite un bel été. Merci, ben vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Ketia Van Ostende.